Chapitre 6. Les images et la messe sont abolies. 8, 9, 10 et 11 août 1535. 9-6. Chant des chanoines. Jeu des enfants dans Saint-Pierre. Destruction des images. Ce qu'il faut en penser. L'hostie. Découverte des huguenots. Indignation des jeunes voix. Trois compagnies marchent contre les idoles. Les fraudes de Saint-Gervais. Les miracles de Saint-Dominique. Réprimande de Farel. La réforme s'affirme. Douleur des prêtres. Fermeté des réformés. Farel devant le Grand Conseil. Suppression de la messe. Les prêtres ne sont pas l'Église. Tristesse et murmure. Au lieu des rites, Jésus-Christ. Le 10 août 1535. La Réformation protestait contre un culte ritualiste et méritoire, contre la multiplicité des fêtes, des consécrations, des us et coutumes ecclésiastiques, contre une adoration quelconque rendue à des créatures, à des images, à des reliques, contre l'invocation de médiateurs qui usurpaient la fonction du Fils de Dieu, enfin et surtout contre un prétendu sacrifice expiatoire accompli par les prêtres qui se substituait au sacrifice unique offert par Jésus-Christ. Toutes ces vanités humaines allaient disparaître. Farel et ses amis attendaient l'ordonnance réformatrice. Mais les huguenots ardents, dont Ami Perrin était le plus actif, s'impatientaient des perpétuelles hésitations du Conseil. Un événement fortuit provoqua de leur part une énergique démonstration. Le même dimanche, 8 août, après-midi, à Vêpres, les chanoines, réunis de nouveau dans leur église, chantaient le psaume « In excetu Israël » sur la sortie d'Égypte, et tous, sans qu'ils s'en doutassent, criaient en latin à gorge déployée ce que Farel avait dit le matin en français « Simulacra gentium argentum et aurum, opera manuum hominum, os abent et not locentur, oculos abent et non videbunt, simeles illis fiant qui faciunt ea et omnes qui confindut in illis. » Note. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, un ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, que ceux qui les font leur soient rendus semblables, et tous ceux qui se confient en elles. Fin de note. Les chanoines ne pouvaient choisir un meilleur texte. Quelques huguenots qui savaient le latin mieux qu'eux, peut-être, souriaient et s'écriaient « Hola, messieurs les clercs, vous maudissez en chantant ceux qui ont fait les images et ont confiance en Issel, et pourtant vous les laissez subsister. » Ils se continrent, toutefois, pour le moment, les magistrats ne cessaient de répéter « N'est besoin que vous abattiez la messe et les images, autrement des princes fort redoutés seront pour vous comme des loups enragés qui se jettent sur des brebis. » Il se passa alors quelque chose d'extraordinaire. Nul ne voulait commencer l'œuvre, et pourtant elle s'accomplit. « Dieu, disaient les réformateurs, qui a tout le monde en sa main, aime mieux choisir le contemptible que ce qui est grand et apparent. » En effet, ce fut une étourderie de jeunes mutins qui porta le premier coup. Pour cette œuvre, Dieu suscita, dit Froment, une vingtaine de petits-enfants. Souvent, ces garçons avaient entendu parler des prêtres, de leurs erreurs, de leurs abus, et leurs parents avaient ajouté qu'il fallait en finir. Ils se glissent dans Saint-Pierre, ils s'arrêtent, ils écoutent, ils sont frappés des étranges intonations des chanoines. Se dirigeant vers une partie de l'église, éloignée de celle où chantaient les révérends pères, ils se mettent, comme font les enfants de leur âge, à jouer, sans que personne n'y pense à rien, dit le chroniqueur. Ils commencent à chanter, à crier, à imiter la voix des chanoines. Bientôt, ils lèvent les sièges des stalles basses, où les révérends pères se plaçaient quand ils n'étaient pas en fonction, et les laisse retomber avec bruit. Chacun connaît le goût qu'ont de petits garçons pour des amusements de telle sorte. Ils folâtrent, mais à leur jeu se joint une certaine opposition au culte que réprouve leur père. Ils se montent, ils oublient le lieu où ils se trouvent, la pétulance de leur âge les emporte, ils voient dans certains coins certaines choses qui ressemblent à des poupées. Ils ne résistent pas à l'envie de les prendre, et saisissant les marmousets des prêtres, comme les appelle Froment, ils se jettent dans leur folie, l'un à l'autre, les petites et grotesques figures qui décorent les chapelles. En ce moment, Perrin, Goula et leurs amis attiré peut-être par le bruit, entre dans la cathédrale. Il voit que la grande exécution a commencé, des enfants les devancent. La passion, l'entraînement les emporte. Ils savent qu'il n'appartient qu'au magistrat d'opérer une réforme. Mais quand le magistrat se refuse à son devoir, que faire ? Nous avons requesté le conseil de mettre bas les idoles, disent-ils. Il ne l'a pas fait, manque de courage. Venons donc à son secours et faisons ce que Dieu commande. Aussitôt, ces hardis citoyens, allant plus loin que les enfants, pénètrent dans le chœur où chantaient les chanoines. Ceux-ci, effrayés, se demandent ce que ces laïcs prétendent faire. Soudainement, dit le chroniqueur, Perrin et ses compagnons jettent par terre les idoles et les brisent. Les enfants qui le voient se mettent à courir, sautent après ces petits dieux, en saisissent les débris, courent aux portes et, tout joyeux, crient au peuple arrêté devant l'église « Nous avons les dieux des prêtres, en voulez-vous » et en même temps, ils leur en jettent les morceaux. C'était un grand tumulte. En vain, les plus sages demandaient-ils qu'on laissât au conseil cette œuvre de réforme. Ces huguenots n'avaient aucun doute sur leur devoir. Si le magistrat ne veut pas qu'on détruise les images, la Bible l'ordonne. Le soleil se lève maintenant, disait-on, et dissipe, dans toute la chrétienté, la grosse épaisseur d'ombrage qui obscurcissait la religion de Jésus-Christ. L'ordre de choses du Moyen-Âge était en effet incompatible avec les nouveaux besoins de la société. Plus tard, au temps de Calvin, la première victoire étant remportée, il s'agirait surtout d'établir la doctrine et de constituer la société chrétienne. Mais c'était maintenant le temps de Farel. Il fallait en appeler à l'esprit de liberté et au déploiement énergique de la volonté. C'était, un esprit conservateur l'a reconnu, une nécessité dans les premiers siècles, lors de l'établissement du christianisme. La nécessité n'était pas moindre au XVIe. Les puissances qui avaient envahi l'Église étaient si tenaces que le travail nécessaire pour les abattre était une œuvre de révolution et de guerre. Le fait moral fut le même lors de ces deux grandes dispensations. Quiconque applaudit à la hache qui fit tomber à Alexandrie la statue colossale de Sérapis ne peut blâmer celle qui, dans les temples de Genève, jetait à bas les images d'un culte corrompu. Mais, pendant cette exécution, les dévots ressentaient une grande amertume. Il leur semblait voir tomber la papauté elle-même. Quelques-uns restés dans l'église contemplaient de loin ce spectacle déchirant. De folles femmes de la ville, dit Froment, se prenaient à pleurer et à gémir. « Oh, nos bons saints, nos images sacrées, disaient-elles, devant lesquelles nous nous prosternions, qui adorerons-nous maintenant ?» Et elles maudissaient ces cagnes. Un nouvel acte, plus saisissant encore, vint augmenter la colère des prêtres et de leurs adhérents. De tous les dogmes romains, il n'y en avait aucun qui indignât plus les huguenots que la transsubstantiation. L'affirmer était, selon eux, prétendre que Jésus-Christ, homme et Dieu, se transformait en un petit gâteau. Aussi un réfugié français, Maigret, surnommé le Magnifique, homme sans pitié pour les erreurs romaines, ayant trouvé des hosties dans le temple, les prit et les jeta par terre. Son chien qui le suivait se précipita dessus et les mangea. « Vraiment, dit l'impitoyable Maigret, si ces petits gâteaux avaient été de vrais dieux, ils ne se seraient pas laissés manger par cette bête. » Nul n'a combattu plus que Calvin la doctrine de la transsubstantiation, mais il n'eut pas à prouver une manière si rude d'agir. Plus tard, il l'a expressément condamné. « Ne prenons pas, disait-il, une trop grande licence. » La frayeur des prêtres n'eut plus de bornes. Ils sortirent du temple, coururent à l'hôtel de ville et racontèrent au conseil la scène émouvante qui venait de se passer. Les syndics, irrités de ce que les huguenots méprisaient leurs ordres, envoyèrent à la cathédrale deux d'entre eux, Antoine Chican et Ami Bandière. Ils étaient fort échauffés, criaient et menaçaient ceux qui avaient fait ceci. Mais les réformés n'étaient pas disposés à céder. Ils avaient fait d'étranges découvertes. Les uns s'étant mis à chercher le fameux bras de saint Antoine, sur lequel, dans les cas importants, on prêtait serment, au son des cloches et avec grande pompe, trouvèrent, au lieu du bras du saint, un membre d'un cerf. D'autres, ouvrant la châsse précieuse qui renfermait le crâne de saint Pierre, en sortirent au lieu du crâne une pierre ponce. « Voilà, dirent-ils, en montrant ces objets à tous ceux qui les entouraient, voilà ce qu'on nous faisait adorer. » Ceci donna une autre direction à l'indignation des délégués du conseil, et l'un d'eux, révolté de ses basses supercheries, dit à l'autre « Si les dieux des prêtres sont de vrais dieux, qu'ils se défendent. Pour nous, nous n'y savons plus que faire. » Les huguenots, voulant révéler ces scandales au peuple, mettent la pierre ponce et l'os du cerf sous des dés magnifiques et se disposent à porter ces reliques précieuses d'un apôtre et d'un saint dans toute la cité. Cette procession nouvelle attira une foule immense. Les dégoûtants mensonges dont elle était la preuve ouvraient les yeux des plus obstinés. « Ah, disait-on, nous savons maintenant ce que valent les paroles des prêtres. Ils nous faisaient payer 5 florins pour la cérémonie. Ils prétendaient que si quelqu'un prêtait un faux serment, le saint rendait sa main sèche. Tout cela n'était que pour nous effrayer et nous dépouiller. Chacun se prenait à mépriser un clergé qui, depuis tant de siècles, se jouait ainsi de la bonne foi du peuple. Un ancien a dit « Juste quibus est irae ». Il est tel qui se livre à de justes colères. Malheur aux scribes et aux pharisiens hypocrites. Le soir, un certain nombre de citoyens, étant réunis après souper, les plus animés proposèrent de faire le tour des autres églises et d'abattre partout les idoles. « Non, répliquèrent les plus sages, pas maintenant. Si nous le faisions à une heure si tardive, les gens diraient, comme jadis à la Pentecôte, que nous sommes pleins de vin doux. Attendons jusqu'à demain matin. » Et la vie générale fut telle. Le lendemain, lundi 9 août, de grand matin, le tambour retentissait dans les rues. Quelques-uns demandèrent s'il y avait quelque alarme de l'ennemi. « Rassurez-vous, leur répondit-on, il s'agit seulement de batailler contre Rome et ses idoles. » Tout se fit avec ordre. Les citoyens se rangèrent selon leur compagnie. Baudichon de la Maisonneuve, Pierre Vandel et Ami Perrin, qui étaient les 3 capitaines de la ville, se mirent à leur tête. Puis tous marchèrent, tambour battant, vers l'église de Saint-Gervais. C'était non une bande tumultueuse, mais la majorité de la nation qui s'avançait sous les ordres de ses capitaines réguliers. Nul d'entre ces citoyens n'avait le moindre doute sur la légitimité de son action. La nouvelle croisade, comme celle de Pierre l'Ermite, s'accomplissait au cri de « Dieu le veut ». Il y avait à Saint-Gervais des scandales plus grands encore qu'à Saint-Pierre. Les prêtres, pour se procurer de l'argent, prétendaient que Saint-Nazaire, Saint-Celse et Saint-Pantaléon étaient ensevelis sous le grand autel. Quand de pauvres femmelettes s'en approchaient, elles entendaient un bruit confus. « C'est la voix des corps saints, disaient les prêtres, qui demandent d'être relevés et canonisés. Or, cela exige de riches offrandes. » D'autres racontaient qu'on voyait souvent au milieu de la nuit de petits êtres lumineux se promener lentement dans le cimetière. « Ce sont les âmes du purgatoire, disaient de nouveau les ecclésiastiques. Elles se traînent çà et là, demandant des messes pour leur délivrance. Certaines gens, voulant s'éclairer, se glissèrent une nuit dans le cimetière, attrapèrent quelques-unes de ces pauvres âmes et trouvèrent que c'étaient des écrevisses, avec de petites chandelles de cire allumées et fixées par les desservants sur leur dos. Les hommes légers riaient, mais les hommes sérieux, voyant à quelle manœuvre coupable l'amour du gain poussait les prêtres, étaient saisis d'horreur. L'avarice les affolit tellement, disait un jour Calvin, qu'il n'y a chose tant mauvaise soit-elle qu'il n'y court, tromperies, fraudes innumérables, haines, empoisonnements, aussitôt que la lueur de l'argent ou de l'or leur a ébloui les yeux. Les 3 capitaines et leur compagnie, étant arrivés à l'église, commencèrent par visiter le souterrain où gémissaient les 3 saints et découvrirent la fraude. Il y avait sous l'autel 2 vases de terre unis par un tuyau qui allait de l'un à l'autre et avait des trous comme ceux que l'on fait aux flûtes des orgues, de manière que le moindre bruit au-dessus des vases faisait l'effet d'un soufflet d'orgue et produisait un son pareil au murmure indistinct de gens qui parlent. Les pauvres papistes ne pouvaient le croire. « Non, disaient-ils, c'est Saint-Nazaire, Saint-Celse et Saint-Pantaléon. Venez et voyez, leur répondirent les réformés. Ils vinrent. Ils virent, et quelques-uns dès lors n'ont jamais voulu ajouter foi à leurs abusions. Le jugement de Dieu étant accompli à Saint-Gervais, les 3 capitaines se dirigèrent vers l'église de Saint-Dominique, l'un des principaux sanctuaires de la papauté entre le Jura et les Alpes. Ils s'y faisaient de grands miracles, les huguenots disaient de grandes piperies. Une belle image ornée de superbes accoutrements et représentant Notre-Dame s'étalait dans l'église et ressuscitait, disait-on, les enfants morts sans baptême. De pauvres gens arrivaient à Genève, de toutes les contrées environnantes avec leurs petits-enfants morts et les posaient devant l'image sur l'autel. Alors, une plume sur la bouche de l'enfant s'envolait, ou bien les joues se coloraient. Quelquefois, enfin, il transpirait. Les spectateurs criaient « Miracle !» L'enfant est revicoulé, ressuscité, disaient les moines. Aussitôt, on sonnait les cloches, on baptisait l'enfant et on l'ensevelissait. Jamais, disaient les huguenots, on a rendu l'enfant vivant à son père et à sa mère. Toutefois, il payait cher. Les citoyens soulevèrent l'autel et trouvèrent au-dessous deux engins. D'un côté, certains instruments dans lesquels on soufflait pour faire respirer l'enfant, et de l'autre, certaines pierres que l'on chauffait pour le faire changer de couleur ou transpirer. Un baume dont on l'avait enduit s'amollissait et donnait à ses chairs un certain coloris. « Certes, s'écrièrent les jeunes voix, ceux qui croient ces lourdes absurdités doivent avoir été convertis en souche. » Notre-Dame cessa de faire des miracles. La troupe des réformés ayant passé au réfectoire y vit une image représentant une grosse et grasse femme assise à une table et découpant un large pâté et tout autour les religieux. On lisait au-dessous ces mots du psaume 133 « Voyez qu'il est bon, qu'il est joyeux, que les frères habitent ensemble. » En ce moment, Farel survint. « Est-ce ainsi, beau-père, dit-il, que vous interprétez les saintes écritures ? Ne vous êtes-vous pas assez moqué des hommes, sans vous moquer encore de la parole de Dieu ? De quel droit l'accommodez-vous à vos gourmandises ?»« Hélas, répondirent les moines, excusez-nous, vous êtes venus trop tard pour nous faire laisser nos bonnes coutumes. » Pendant ce temps, quelques huguenots étaient arrêtés devant une autre image, en présence de laquelle ils restaient ébahis. Oh, on voyait le diable avec sept têtes. Du diable sortait le pape avec sa triple tiare. Du pape sortaient les cardinaux. Des cardinaux, les évêques, les moines et les prêtres, et au-dessous d'eux était une fournaise ardente. L'enfer. Les jeunes voix, réformées, s'étonnaient de trouver dans un couvent de Saint-Dominique une satire de la papauté plus sanglante que toutes celles qu'ils avaient jamais imaginées. Les trois capitaines et leurs compagnies arrivèrent enfin près de Larves, où se trouvait l'église de Notre-Dame, mais les syndics informés de ce qui se passait y arrivèrent en même temps et, voulant sauver un fameux tableau de la Vierge, le firent porter devant eux à l'hôtel de ville. Les plaisanteries ne manquèrent pas. On leur demandait s'ils feraient faire des miracles à l'image. Ils durent la brûler dans la grande salle pour se soustraire aux quolibets qu'on leur lançait. La campagne était finie, les citoyens rentraient chez eux, la conscience chrétienne approuvait leur œuvre. La suppression de tant de fraudes honteuses n'était-elle pas écrite dans le ciel ? Dès lors, la messe ne se dit plus dans aucun temple. L'acte des citoyens était plus qu'un mouvement populaire, la réforme par lui s'affirmait. Personne plus que l'honnête et courageux Luther n'eût condamné les viles supercheries des prêtres. Cependant, Luther, mettant surtout en avant la grande doctrine de la justification de l'homme par la foi, tenait contre les indulgences et autres prétendues bonnes œuvres, mais tolérait les images, tandis que Zwingle, Farel, Calvin, s'occupant surtout de Dieu, de sa gloire et de sa grâce, protestait contre toute apothéose de la créature, contre tout paganisme, et en particulier contre toute image dans les temples du Seigneur. Il y avait donc ici une différence caractéristique du luthéranisme et de la réforme. La douleur des prêtres et leur colère étaient grandes. Réunis autour des débris de ce qu'ils avaient adoré, les uns restaient muets, tandis que les autres poussaient des cris d'horreur. Les menaces du clergé furent telles que le conseil effrayé cita devant lui, le jour même, lundi 9 août, les trois capitaines, et leur demanda s'ils entendaient leur désobéir. « Certainement, répondirent-ils, nous avons détruit les images parce qu'elles étaient dressées contre la parole de Dieu. » Les syndics, frappés de la fermeté de ces citoyens, convoquèrent pour le lendemain le conseil des 200. Le lendemain était le 10 août, jour mémorable, où devaient se décider les destinées de Genève. L'agitation était grande dans la cité. Quelques amis de Rome espéraient encore, se confiant dans l'ancienneté de leurs formes et de leurs traditions. Mais les réformés croyaient la cause de la réformation gagnée, puisqu'elle avait pour elle Dieu, sa parole, et la majorité du peuple et des conseils. Les 200 sénateurs, ayant pris place et plusieurs autres notables, s'étant rangés près d'eux, Farel parut, accompagné de Pierre Viret, de Jacques Bernard et de plusieurs laïcs. Son apparence chétive, son teint brûlé par le soleil et sa barbe rousse, si redoutée des prêtres, n'avaient rien d'imposant. Mais il y avait dans cet homme un cœur qui brûlait d'amour pour l'évangile de Christ, et de ses lèvres grossières découlaient des flots de mâle éloquence qui entraînaient tous les esprits. Il s'avançait, ferme, sûr de la victoire de la réformation. Il est écrit « Ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Ne crains point. » On parlait, on s'agitait dans cette assemblée. Les hommes qui la composaient avaient le sentiment de grandes choses. Ils comprenaient l'importance de la crise. Et plein d'anxiété sur ce qui allait arriver, ils fixaient leur regard sur Farel. Le silence s'étant fait, le réformateur qui tenait à la main le procès-verbal de la dispute prit la parole et signala comme les points principaux des débats le culte des images et le sacrifice de la messe. Il rappela que la plupart de ceux qui en demandaient le maintien s'étaient abstenus de comparaître, que d'autres n'avaient pu les défendre et que plusieurs les avaient rejetés. « Pourquoi, s'écria-t-il, tous n'embrasseraient-ils pas l'Évangile ? Nous sommes prêts, mes collègues et moi, non seulement à en faire la confession publique, mais s'il le faut, à l'arroser de notre sang. » Puis, s'adressant directement au conseil et faisant retentir sa voix de tonnerre, dit un auteur catholique romain, il somma l'assemblée de rendre un jugement qui donna gloire à Dieu. « Quoi, dit-il, l'empire de la papauté s'écroule, et vous lèveriez les mains pour soutenir ce que Dieu renverse ? Voulez-vous toujours clocher des deux côtés ? Si le pape rend vraiment des oracles, écoutez-le. Mais si la voix que l'on entend dans l'Écriture est celle de Dieu, faites donc ce qu'elle ordonne. » Ici, Farel s'arrêta. Il sentait l'importance de la décision qu'on allait prendre. Une émotion profonde le saisit. Il leva les mains au ciel et s'écria « Ô Dieu, éclaire ce conseil. Fais-lui comprendre que c'est de ta gloire et du salut de tout ce peuple qu'il s'agit. Rabat le haut caquet des prêtres et fais triompher ta cause. » Cette vive prière, comme l'appelle un manuscrit, fit sur ceux qui l'entendaient une impression profonde. La délibération commença, elle fut calme, sérieuse, éclairée, empreinte de la dignité que commandait une affaire si importante. Les réformés les plus fervents eussent voulu qu'immédiatement la papauté cessât d'exister dans Genève. Mais le conseil crut plus sage de procéder lentement. Farel avait porté aux prêtres un nouveau défi. Le premier syndic proposa donc de les appeler à défendre, s'il le pouvait, la messe et les images. En attendant qu'il fût ordonné, pour ne pas offenser les catholiques, qu'on cessât d'abattre les images, et pour ne pas offenser les réformés, qu'on cessât de célébrer la messe. Ces résolutions furent prises presque à l'unanimité. Toutefois, Rome était déjà vaincue, et les amis de la réforme tenaient à le constater. Un laïc se leva et dit « Vous appelez les prêtres, mais je crains fort qu'il n'en reste pas un dans la ville. Ils ne pensent tous qu'à s'enfuir en emportant les biens des églises. Pourquoi toujours temporiser ? La réforme des abus qui défigurait la religion, loin de porter atteinte à son existence, la fera redevenir elle-même comme l'acte de laver un tableau sali et barbouillé le rend à sa primitive nature. Cet évêque, ces prêtres, ces citoyens qui s'éloignent ne sont pas l'Église. Ce ne sont que des déserteurs. » Le conseil proclama à l'unanimité que les prêtres romains qui détalaient n'emportaient pas avec eux l'église de Genève et ordonna que tous les biens ecclésiastiques fussent inventoriés, puis la séance fut levée. La messe était supprimée, c'était un pas immense, l'abolition de la messe était l'abolition de la papauté. La réforme fut aussitôt mise en exécution. Le lendemain, 11 août, il fut mandé par grande défense de ne plus sonner ni dire messe dans la ville de Genève. Les prêtres effrayés obéirent, ils s'amoindrissaient, ils se cachaient, ils se gardaient bien de faire entendre le moindre chant. Bientôt, nouveau crève-cœur, ils voient les commissaires du conseil entrer dans les temples, faire l'inventaire des meubles, joyaux et biens ecclésiastiques. L'œil morne et la bouche muette, les ministres de Rome sont témoins de la disparition des belles portraitures, ciboires, calices et autres précieux ouvrages que l'on emporte pour les mettre en lieu sûr à l'abri de leur dilapidation. Il y en avait pour plus de 10 000 écus. Depuis ce jour, nul service romain n'eut lieu dans la cité. Il ne se trouva pas dans tout le clergé une de ces âmes enthousiastes qui se jettent au milieu du danger pour maintenir et proclamer leur foi. Toutefois, ces actes hardis ne s'accomplirent pas sans quelques murmures. La populace était en général pour le culte romain, et quelques cris se firent entendre. Si l'on cesse de dire la messe, dirent au syndic des âmes craintives, le peuple pourra se mutiner. Ah, dirent quelques hommes prudents, si de nouveau l'on chante la messe, cela soulèvera un tumulte bien plus grand encore. Le conseil maintient donc l'interdiction, mais on voyait quelques catholiques, fidèles à des superstitions séculaires, se rendre aux heures canoniales dans leurs églises muettes, et parcourant comme des ombres des parvis déserts, verser des larmes. Hélas, plus de chants, plus d'oraisons, plus de messes, plus de litanies, plus d'encensements. Les prêtres, les orgues, tout se tait. Dans ces jours d'un grand effroi, quelques femmes seules eurent du courage. « Nous ne baisserons pas nos enseignes », dirent les sœurs de Sainte-Claire. Et en effet, elles firent dire l'office, mais à porte close, tout bas, au milieu du chœur, et quelquefois pour plus de sûreté, dans le réfectoire. Des catholiques zélés venaient heurter furtivement à la porte du couvent et demandaient à voix basse d'être admis à ces messes dites sans chant et sans appareil. Ils y assistaient en tremblant, ils dressaient l'oreille, ils étaient effrayés au moindre bruit. Cette fidélité ne dura pas longtemps. 5 jours après, le 15 août, lors de la fête de l'Assomption, la dernière communion eut lieu. Le père confesseur et ses compagnons, après avoir dit timidement la messe, sortirent en tapinois de la ville. Pendant que la nuit étendait peu à peu ses voiles sur la papauté et ses sectateurs, le soleil se levait sur les amis des Saintes Écritures. Plus de chants latins, plus de mouvements mimiques, de vêtements sacerdotaux, de peintures et d'encens, plus de toutes ces pratiques agréables à l'œil, à l'oreille ou à l'odorat qui avaient si longtemps régné dans l'Église. Mais à leur place, Jésus-Christ, Christ dans le passé, faisant sur la croix l'expiation des péchés de son peuple. Christ dans le présent, toujours au milieu des siens, vivifiant, sanctifiant et consolant les cœurs. Ces hommes chrétiens étaient entrés dans l'ère nouvelle de la vérité et de la charité, où les appelaient les réformateurs, tandis que les conseils se préoccupaient surtout du maintien de la tranquillité, tandis que la grande troupe ne cherchait au fond que l'indépendance et la liberté, bien précieux, mais qui ne saurait suffire, le petit troupeau des âmes vraiment pieuses, reconnaissant le Fils de Dieu comme l'auteur d'une vie nouvelle, était décidé à le suivre partout où il les mènerait. La chute de la messe, qui date du 10 août, fut regardée par les réformés comme le signe de la victoire, et l'Église genevoise, adoptant cette pensée, célèbre chaque siècle au mois d'août de l'an 35, le jubilé de sa réformation. Après 3 ans de lutte, une première victoire était remportée, mais il devait s'écouler encore une 4e année avant l'établissement définitif de la réforme. Continuons donc notre marche jusqu'en 1536 et même jusqu'à l'arrivée de Calvin.